c'est maintenant. Qu'ici, rien n'est donné gratuitement. Tu penses que l'homme est bon. Mais pour moi, il n'est que bête et méchant. Dans le ciel, la lune brille faiblement. Dans les ruelles, la neige tombe lentement. Je connais tes pensées. Elles sont comme un hurlement et sommeille en toi le désir d'un jugement. Tu ne connais pas encore le goût du sang, mais je peux te dire que le mien est amer comme une fleur guerrière. Ah, si seulement j'avais pu avoir un père. Tu veux me prendre dans tes bras. La solitude engendre la vengeance. Je te repousse et pars loin de toi. Après des années d'absence, plus près de toi, et je t'échappe une seconde fois. Je cours à travers les bois et hurle ma haine envers toi. Tu ne connais pas encore le goût du sang, mais je peux te dire que le mien est amer comme une fleur guerrière. Ah, si seulement j'avais pu avoir un père. Tu ne connais pas encore le goût du sang, mais je peux te dire que le mien est amer telle une fleur guerrière. Si seulement j'avais pu avoir un père.